toi, le plus savant et le plus beau des anges. Dieu trahi par les sorts et privé des louanges. Ô prince de l'exil, à qui l'on fait tort et qui, vaincu, toujours te redresse plus fort. Toi qui sais tout, grand roi des choses souterraines, guérisseur familier des angoisses humaines. Toi qui, même aux lépreux, aux parias maudits, enseigne par l'amour les goûts du paradis. Ô toi qui, de la morte, ta veille fortement engendra l'espérance, une folle charmante. Toi qui fais au proscrit ce regard calme et haut, qui dame tout un peuple à tour d'un échafaud. Toi qui sais en quel coin des terres envieuses les dieux jaloux cacha les pierres précieuses. Toi dont l'aile claire connaît les profonds arsenaux, où dort enseveli les peuples des métaux. Toi dont la large main cache les précipices, aux somnambules errants au bord des édifices. Toi qui magiquement assouplis les vieux hauts, des livrognes attardés foulés par les chevaux. Toi qui pour consoler l'homme frêle qui souffre, nous a pris à mêler les salpêtres et les soufres. Toi qui poses ta marque au complice subtil sur les fronts du Crésus, impitoyable ville. Toi qui mets dans les yeux, dans les cœurs des filles, les cultes de la plaie et l'amour des guenilles. Bâton des exilés, lampe des inventeurs, confesseur des pendus et des conspirateurs. Père adoptif de ceux qu'en sa noire colère du paradis terrestre a chassé Dieu le Père. Gloire et louange à toi, Satan, dans les hauteurs du ciel où tout régna, et dans les profondeurs de l'enfer où, vaincu, tu rêves en silence. Fais que mon âme un jour, sous l'arbre des sciences, près de toi se repose, à l'heure où sur ton front, comme un temple nouveau, ces rameaux s'épandront.